le volume, la conscience ne tue pas. J'parie j'en dérange plus d'âme et j'continuerai quand même. Je suis différent dans l'offre, mais j'sais pas ça pour qu'on m'aime. Mon rap est conscient, l'espoir de l'essence dérange tes sens. Gauche, droite, j'te laisse le temps de comprendre que t'as toute une vie pour l'apprendre. Mes textes sont issus de la cendre. C'est ce que la révolte engendre si tu n'arrives pas à suivre. Il est déjà temps de descendre parce que j'compte bien poursuivre. Mon rap n'est pas commercial, il dérangera trop de gens qui trouveront que j'suis trop radical parce que je crache sur de l'argent. Mes textes ne parlent pas de béton, depuis ton Ferrari, marque à la con. J'pars du monde et c'est trop fion qui durerait pour un million. Je n'ai pas le même discours, non, je n'ai pas peur, non. Je suis un loup depuis toujours, je me pose les bonnes questions. Je retrouve le même mal, partout se pose mes yeux. Ça pue, même dans le journal, le mensonge devient un jeu. Un décodeur pour traduire que c'est la merde, l'ex-empire. Que c'est la révolution du monde, la fin de leur empire. Construit par des milliardaires qui ont fait de la mort une bonne affaire. Car certains en vendent la guerre, des armes, de la haine, des bombes incendiaires. Certains savaient ce qu'ils avaient à faire, comme Kennedy ou Martin Luther. Les vrais King Kong a fait taire parce qu'ils allaient tout foutre en l'air. Car ils rêvaient d'espace, de paix entre les peuples. Le souhait de tous nos pères, des traces, même si on est seul. Monte le volume, la conscience ne tue pas. J'parie, j'en dérange plus d'âme et j'continuerai quand même. Je suis différent dans l'œuvre, mais j'fais pas ça pour qu'on m'aime. Mon rap est conscient, l'espoir de l'essence dérange tes sens. Gauche, droite, j'te laisse le temps de comprendre que t'as toute une vie pour l'apprendre. Mes textes sont issus de la cendre. C'est ce que la révolte engendre si tu n'arrives pas à suivre. Il est déjà temps de descendre parce que j'compte bien poursuivre. Je sais que le rêve est difficile, mais je ne compte pas m'excuser. Quand les enfants meurent sous des missiles et que d'autres doivent se prostituer, tu ne vois pas où la justice. Quand les pédophiles sont à la une, que les innocents en payent le prix, que des familles se retrouvent à la rue. Je ne vois pas ce que tu apportes, à part de bonnes excuses. Laisse la haine frapper à ma porte, quitte à jouer à la roulette russe. Et peu importe d'où je viens, puisque mon sang est le même que le tien. Je suis né sur terre, et ouais, génération terrien. La révolution ça craint, ça chamboule ton quotidien. Ça fait peur, ça vient de loin. Un cri de liberté, un cri de chagrin. Si tu ne pleures pas, attends, je change mes cartouches. Tu crois être malin, d'être libre de tes actes, de choisir ton destin, que t'as choisi le bon pacte. L'illusion numéro 1 te fait croire que t'as une vie, que t'es sociable quand t'es con, et te faire aimer la connerie. Et ouais, génération terrien, pour eux t'as rien, j'te le traduis. Monte le volume, la conscience ne tue pas. J'parie, j'en dérange plus d'âme, et j'continuerai quand même. Je suis différent dans l'œuvre, mais j'fais pas ça pour qu'on m'aime. Mon rap est conscient, l'espoir de l'essence dérange tes sens. Gauche, droite, j'te laisse le temps de comprendre que t'as toute une vie pour l'apprendre. Mes textes sont issus de la cendre. C'est ce que la révolte engendre si tu n'arrives pas à suivre. Il est déjà temps de descendre parce que j'compte bien poursuivre. Je sais que tu m'entends maintenant, t'as compris que ça reste conscient, que je te touche parce que tu vis, car rien n'est louche dans ce que j'écris. J'ai pas la vérité, juste des constatations que d'autres ont crié, mais ont fini en prison. J'en ai rien à cirer, car mon chemin est le bon. Si t'as encore des doutes, écoute la suite car je n'ai pas fini. Je vois toujours les mêmes crises, les mêmes guerres, c'est même triste. Depuis le temps qui me les brise, peu importe ce qu'ils disent. Si on me traite conspirationniste, dis-moi si la folie me frise. Car j'en ai rien à battre, mes textes les mettront hors piste. Ce serait peut-être l'homme à battre, parce que la résistance est terroriste. Que la paix ne se partage plus, parce que la guerre est égoïste. Ils tracent ton avenir, en te tuant au présent. Te mentent sur tes souvenirs, t'empêchant d'être résistant. Dis que ta vie, ta mort, éduque que tes enfants. Te font croire que t'es une merde, et que tu mérites de vivre dedans. Monte le volume, la conscience ne tue pas. J'parie, j'en dérange plus d'âme, et j'continuerai quand même. Je suis différent dans l'œuvre, mais j'fais pas ça pour qu'on m'aime. Mon rap est conscient, l'espoir d'essence dérange tes sens. Gauche, droite, j'te laisse le temps de comprendre que t'as toute une vie pour l'apprendre. Mes textes sont issus de la cendre. C'est ce que la révolte engendre si tu n'arrives pas à suivre. Il est déjà temps de descendre parce que j'compte bien poursuivre.